C'est la richesse même de ce pays qui l'a conduit à sa perte. Je veux parler du Congo-Brazzaville, ancienne colonie française et quatrième producteur africain de pétrole. Du pétrole qui représente plus des deux tiers des ressources de l'État congolais et 90% de ses exportations. Et pourtant, malgré cette manne financière, le Congo est paradoxalement l'un des pays les plus endettés du monde, l'un des plus pauvres aussi si l'on tient compte du niveau de vie de ses habitants. La cause en est justement le pétrole. Ce pétrole qui est à l'origine de toutes les convoitises et a nourri une guerre civile qui a ensanglanté le pays pendant plus d'une décennie et vient tout juste de se terminer. Mais les haines demeurent et ne demandent qu'à se réveiller. Disons-le tout de suite, c'est en tout cas ce que pense Monsieur X, la France porte une responsabilité écrasante dans les événements qui ont plongé le Congo dans le chaos. Et pourtant, les massacres, les viols, les exodes n'ont trouvé que bien peu d'écho dans notre pays. Et c'est dans un silence assourdissant que les tueurs ont pu agir, pratiquement en toute impunité. Un dernier chiffre avant d'écouter Monsieur X. On estime que ces événements ont provoqué directement la mort d'environ 30 000 personnes. Mais il y a aussi ces centaines de milliers de Congolais qui ont dû fuir dans les forêts et dont certains sont morts de faim ou de maladie. Brazzaville, c'est un symbole pour notre pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle en avait fait la première capitale de la France libre. Et en 1944, c'est à Brazzaville qu'il a prononcé un discours mémorable qui a jeté les bases de la future indépendance de nos possessions africaines. Ouais, indépendance qui interviendra, il faut le rappeler, hein, en 1960. Oui, c'est exact, oui. Enfin, si j'insiste sur ce point, c'est que Brazzaville, qui était une charmante ville coloniale, est aujourd'hui un champ de ruines, un vaste bidonville. Par contre, et là encore, c'est tout un symbole, la capitale économique, Pointe-Noire, n'a pas été touchée par la guerre civile, parce que Pointe-Noire, c'est la ville des pétroliers. Ah oui, il fallait pas y toucher. Ben. Bien sûr. Pendant les massacres, les affaires continuent, mais elles sont florissantes. Tout au long des guerres civiles qui ont dévasté le Congo, la production de pétrole n'a pratiquement pas été affectée. Enfin, n'allons pas trop vite. Évidemment. Je crois que vous connaissez le Congo. J'y suis allé, oui. Alors vous savez que ce pays, comme beaucoup d'autres ex-colonies, est une vraie mosaïque ethnique. Parce que c'est toujours le même problème. Les frontières dessinées par le colonisateur n'ont pas tenu compte de la réalité ethnique. Oui, et l'on ne comprend rien à l'histoire politique de ces pays si on ne prend pas en compte cette question. Alors, plus précisément, au Congo. On dénombre plus de 70 groupes ethniques. Il était quand même impossible de morceler à ce point le Congo. Bon, je suis d'accord avec vous, mais il était tout à fait possible d'envisager d'autres frontières, car certaines des ethnies présentes au Congo-Brazzaville existent aussi au Gabon, par exemple, ou dans l'ex-Congo belge. C'est-à-dire de l'autre côté du fleuve Zaïre. Oui, oui, enfin, passons. Et distinguons trois grands groupes. Au nord, il y a essentiellement des Mbochi. Ils vivent dans une région pauvre et assez peu peuplée. Et pour s'en sortir, beaucoup ont fait carrière dans l'armée. C'est un point très important, car bien que minoritaires, les Mbochi vont très souvent gouverner le pays. Oui, parce qu'ils ont la main mise sur l'armée. Bien entendu. Mmh. Au sud, près du Zaïre, on trouve une région qu'on appelle le Poul. Elle est peuplée de Bakongo. Les Bakongo représentent à peu près la moitié de la population congolaise. Avant l'indépendance et au début de la décolonisation, ils ont joué un rôle prépondérant. En raison de leur nom. Ah, pas seulement. Ce sont les Bakongo qui ont été les premiers à avoir des contacts avec les Européens. Et de ce fait, ils ont toujours eu une image positive. C'était des évolués, comme disaient les colonisateurs. Il y a enfin un troisième groupe assez hétéroclite qui vit au sud et à l'ouest, dans le Nibolek. Le Nibolek, c'est un acronyme formé à partir des premières syllabes de trois régions proches du littoral atlantique et du Gabon. Enfin, n'entrons pas dans les détails. Oui. Alors, si je comprends bien, il y a trois groupes principaux et antagonistes. Forcément. Mmh. Et notez-le bien, chacun de ces groupes aura son propre parti politique, sa milice et son chef. Mmh. Il s'agit donc d'une division purement ethnique. Absolument. Hein. Et je vous l'ai dit, dans les premières années qui ont suivi l'indépendance, ce sont les sudistes qui dirigent le pays. Mais à la fin des années 60, les militaires s'emparent du pouvoir. Oui, c'est le capitaine Marianne Gwabi. Oui, c'est un nordiste comme tous les principaux cadres et soldats de l'armée congolaise. En même temps, le Congo devient une république populaire où règne en maître un parti unique, le PCT. Parti des travailleurs congolais dont la doctrine s'inspire directement du marxisme-léninisme. Le marxisme scientifique, hein, selon les Congolais. Mais Ngwabi est assassiné. Hein. Nous en avons parlé il y a quelques temps. Oui, je m'en souviens très bien. Cet assassinat n'est nullement la conséquence d'un conflit ethnique, comme on essaiera de le faire croire. Car les nouveaux hommes forts du pays sont eux aussi des landistes. Donc des militaires. Exact. Mmh. Et le plus malin d'entre eux, le colonel Sassou Nguesso, finit par triompher en 1979. C'est le nouveau chef de l'État. Et il l'est toujours. Oui, il l'est redevenu après avoir connu pas mal de vicissitudes. Enfin, on va y revenir. revenir. Ce qu'il faut également relever, c'est qu'après la mort de Nguabi, les relations du Congo avec la France vont singulièrement se réchauffer. Singulièrement. À l'évidence, la disparition d'un homme qui affichait ouvertement ses convictions marxistes ne pouvait pas fâcher nos dirigeants et surtout le lobby pétrolier. Alors, vous insinuez que nous ne sommes peut-être pas tout à fait étranger à la disparition de Marianne Nguabi? Pas inutile d'y revenir, nous en avons déjà parlé. Ouais, d'accord. Mais, attendez, malgré l'assassinat de Nguabi, le Congo demeure une république socialiste. C'est juste, hein. Officiellement en tout cas. C'est toujours le PCT qui régit la vie du pays et Denis Sassou Nguesso dirige le Congo d'une main de fer. Toutefois, en réalité, c'est l'industrie pétrolière qui commande le pays, parce qu'elle est la seule vraie richesse du Congo. Elf. Naturellement. Elf qui s'accommode très bien du caractère marxiste du régime. Comme d'ailleurs les dirigeants congolais s'accommodent eux-mêmes de cette tutelle économique, car ils en profitent largement. Ouais. Et pour vin. C'est évident. Mais on décortiquera plus tard le système, ça en vaut la peine. L'histoire du pétrole congolais commence à la fin des années 40. Avant l'indépendance. Oui, la Société des pétroles de l'Afrique équatoriale française, qui donnera plus tard naissance à Elf, obtient une première concession dans la zone côtière. Et dès 1957, un premier gisement est exploité. Mais à partir de 1970, c'est en mer qu'on va faire les plus importantes découvertes d'or noir. Une exploitation offshore. À partir de plateformes installées dans la zone littorale congolaise. Je crois qu'aujourd'hui, on exploite plus de 500 puits sous-marins à partir d'une cinquantaine de plateformes. Et les spécialistes estiment que les réserves sont colossales. Attends, c'est seulement Elf, enfin, devenu Total aujourd'hui, hein, qui exploite ces gisements? Non, plus maintenant. Il y a aussi des Américains et des Italiens, mais pendant très longtemps, la compagnie française a disposé au Congo d'une sorte de quasi-monopole. Elf, société publique. Oui, ce n'est qu'en 1994 que la compagnie pétrolière a été privatisée. Ce qui n'a pas changé grand-chose d'ailleurs, car sa filiale, Elf Congo, est demeurée une société d'État. Il faut dire que ce n'est pas tout à fait une société comme les autres. C'est sous le général de Gaulle, hein, qu'Elf a été créée. En effet, avec un objectif bien clair, la société pétrolière devait être aussi l'instrument de la France dans les pays africains où elle aurait exploité le pétrole. L'instrument, là, soyez plus précis. Paris avait décolonisé, certes, mais n'entendait pas pour autant se désintéresser de ces pays nouvellement indépendants. Bref, pour les gaullistes, Elf devait servir au mieux des intérêts français. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, la compagnie pétrolière s'est dotée d'un véritable service de renseignement et qu'elle a abrité nombre d'anciens agents des services. Mais si je vous ai bien compris, c'était des agents qui restaient actifs. Ah, ils pouvaient pas en être autrement. Je vous l'ai dit maintes fois, quand on a appartenu à un service, on n'en sort jamais tout à fait. En outre, la manne financière générée par Elf pouvait aussi être utilisée pour tenir des dirigeants africains. Oui, les tenir, c'est-à-dire en les corrompant. Bien sûr. On a dit également qu'une partie de cet argent revenait en France. Hein. Et servait à financer les partis politiques. C'est probablement vrai. En tout cas, et c'est ce que je voulais souligner, la compagnie a donc fonctionné comme une sorte de réseau en Afrique. Un réseau parallèle. Oui, et on y a retrouvé pas mal de types qui étaient par exemple très proches de Focar. Ça ne vous étonnera pas. Est-ce que ça signifie que la compagnie a directement influé sur la politique des États où elle était implantée? Certainement. Et la tragique histoire du Congo-Brazzaville en est une parfaite illustration. Parce qu'il fallait qu'Elf, donc la France, préserve du mieux qu'elle le pouvait ses intérêts économiques. À quoi servait réellement Elf? Monsieur X a répondu en partie. Les journalistes Stephen Smith et Antoine Glaser, spécialistes de l'Afrique, confirment son propos dans leur livre paru en 1997 chez Kalman Levy, « Ces messieurs d'Afrique ». Je les cite. Premièrement, les gaullistes voulaient un véritable bras séculier d'État, en particulier en Afrique. Total n'était pas obéissant. Deuxièmement, les gaullistes souhaitaient une sorte de ministère du pétrole inamovible. Enfin, ils souhaitaient disposer d'une sorte d'officine de renseignement dans les pays pétroliers. Ces trois objectifs ont été atteints indubitablement. Elf a été pour la France un instrument de puissance, notamment en Afrique, en même temps qu'un ministère du pétrole dans la durée, affranchi des contingences et des vicissitudes de la politique politicienne au jour le jour. Enfin, Elf a été un service de renseignement, au sens anglais du terme, une « intelligence », combinant l'action secrète de la DGSE avec le jeu d'influence diplomatique du Quai d'Orsay. D'ailleurs, des divers services français, DGSE, DST et RG, aussi bien que du ministère des Affaires étrangères, de hauts cadres sont longtemps passés de plein pied chez Elf pour y rester ou pour réintégrer ensuite leur corps d'origine comme s'ils avaient été simplement détachés. Ce qui montre bien qu'Elf n'a été longtemps qu'une institution délocalisée de l'État français, son faux nez pétrolier. C'est en 1979 que Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Pendant plus d'une décennie, il règne sans partage. et ses relations avec Elf et la France sont excellentes. La compagnie française a en effet tout lieu d'être satisfaite pendant cette période. Sa production pétrolière au Congo double. Toutefois, en même temps, le pays s'endette. C'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas de cet accroissement de richesse. Eh bien non. Le trésor congolais semble être un puits percé. Plus l'argent entre et plus vite il disparaît. Et pour payer ses fonctionnaires, par exemple, le gouvernement doit gager ses futures ressources pétrolières. Une sorte d'hypothèque, si vous voulez. Et c'est Elf qui avance l'argent. Bien entendu, c'est du préfinancement, ça. Je viens, mais enfin, cet argent du pétrole va bien quelque part, non? Ah ben ça, je ne vous le fais pas dire. Alors voyons de plus près comment ça fonctionne. La compagnie pétrolière verse des redevances aux pays producteurs en fonction du nombre de barils produits. Ça me semble logique. Oui, non, ce n'est pas tout. On retranche de ces redevances des frais commerciaux et ce qu'on appelle des fonds de souveraineté. Des sommes versées sur des comptes d'une banque contrôlée par Elf ou bien encore sur ceux de sociétés offshore. Ouais, situées dans des paradis fiscaux. C'est plus sûr, oui. Or, la répartition de ces sommes très importantes dépendait du seul bon vouloir du président du pays producteur. Vous voulez dire qu'elles allaient directement sur des comptes contrôlés par le président? Écoutez, je vous laisse libre d'interpréter. La réalité, c'est donc que, paradoxalement, au début des années 90, le Congo se trouve lourdement endetté. Et dans le pays, ça commence à gronder. Ça gronde même tellement que Denis Sassou Nguesso comprend qu'il doit donner des gages s'il veut rester au pouvoir. Et il promet de mettre fin au régime du parti unique. Et ça suffit à calmer les Congolais? Non, ce n'est pas le multipartisme qui améliorera instantanément le sort des Congolais. Toutefois, c'est un progrès. Et attendez, est-ce que ça correspond aussi à la tenue du sommet franco-africain de la Baule où François Mitterrand avait demandé aux chefs d'État africains de s'engager dans la voie de la démocratisation? Certainement, oui. Mitterrand avait parlé très fort. Mais il faut bien reconnaître qu'il n'a guère été suivi. Ah. En tout cas, au Congo, ces injonctions semblent avoir eu un certain effet. Et Sassou Nguesso doit accepter la tenue d'une conférence nationale qui regroupe plusieurs centaines de personnes. Des gens qui représentent tout ce qui compte au Congo. Avec quel objectif, hein? Le changement de régime et la démocratisation. Il s'agit pour les délégués de mettre fin aux incuries du pouvoir. Et le président Sassou Nguesso est directement mis en cause. On l'accuse en particulier d'enrichissement personnel. Au moins c'est clair. Hein. Mais assez habilement, Papa Bonheur, comme on l'appelle familièrement, fait son mea culpa. Et il y gagne de rester président jusqu'à la tenue d'élections prévues en 1992. Mais ses pouvoirs ont été sérieusement reniés. Et il doit désormais composer avec un premier ministre et une nouvelle constitution approuvée par référendum. Oui, alors la démocratisation est donc en marche. Oui, les Congolais vont aux urnes en 1992. Au deuxième tour, c'est Pascal Lissouba, un professeur de génétique, qui l'emporte avec le soutien de Denis Sassou Nguesso d'ailleurs. Et c'est un gouvernement d'union nationale qui est mis en place. Toutefois, le ver est déjà dans le fruit. Parce que Lissouba, malgré le soutien qu'il a reçu de son prédécesseur, refuse de l'accueillir dans son gouvernement, contrairement à ses promesses. Il s'est fait un ennemi, là. Ah oui, un adversaire irréductible qui n'aura de cesse de vouloir le renverser. D'autre part, cette élection a exacerbé les dissensions ethniques. Le professeur Lissouba doit compter avec deux sérieux rivaux. Une question, d'où est-il originaire, lui? C'est un sudiste originaire d'une petite ethnie proche de la frontière du Gabon. Une ethnie à laquelle appartient également le président gabonais, Omar Bongo. Mais je vous parlais de ces deux rivaux. Il y a bien sûr Sassou Nguesso, leader incontestable des nordistes. Et puis, il y a Bernard Kolela, l'homme du poule futur maire de Brazzaville. La situation de Lissouba va donc être très inconfortable, d'autant que l'armée penche toujours du côté de Sassou Nguesso. Alors, ça veut dire que la menace est permanente. Oui, et Lissouba, qui est certes un éminent savant, mais un piètre politique, commet sa première erreur. Pour contrer une éventuelle action de l'armée, il crée sa milice. Les Zoulous, comme on va bientôt les appeler. Des jeunes désœuvrés qu'il recrute naturellement dans sa région d'origine. La conséquence immédiate, c'est que ces deux rivaux vont aussitôt répliquer. Et en créant leur propre milice? Effectivement. Pour Sassou Nguesso, ce sont les Cobras, et pour Kolela, les Ninjas. Dès lors, la situation va être explosive, car ces jeunes gens, surarmés, souvent drogués, sont capables de tout. Avant de poursuivre, reparlons de Elf. Hein. Comment les dirigeants de la compagnie ont-ils réagi au changement de président, puisque vous m'avez dit que c'était la compagnie pétrolière française qui faisait la pluie et le beau temps dans le pays? Elf, c'est certain, était le meilleur soutien de Sassou Nguesso. Mais ses dirigeants ont très vite compris que le président congolais avait fait son temps, au moins provisoirement. Le mouvement démocratique ne pouvait être enrayé. Alors, ils ont adopté une politique attentiste. Mmh. Et quand Lissouba a été élu président? Immédiatement, des contacts ont été pris au plus haut niveau, et c'est Lissouba qui a d'abord été demandeur. Pourquoi? À cause de l'endettement colossal de son pays, il lui fallait tout de suite une bouffée d'oxygène. Ouais, c'est-à-dire de l'argent, vous voulez dire? Évidemment. Mmh. Mais je vous l'ai dit, la production pétrolière était gagée pour de longues années, et elle fait refuser les 150 millions de dollars que le président Lissouba réclamait. Il paraît même que la rencontre entre le dirigeant congolais et le patron de la compagnie, qui était alors Loïc Le Floch-Prigent, s'est très mal passée. Ensuite, je pense qu'il y a eu une intervention auprès de l'Élysée, mais Mitterrand n'a pas bougé. Pourtant, la France n'avait-elle pas intérêt à aider un président démocratiquement élu? Sans doute, mais Sassou Nguesso pouvait revenir au pouvoir d'un jour à l'autre. Sassou Nguesso qui disposait d'importants relais en France. Puis Mitterrand, c'est en tout cas ce qu'il prétendait, ne voulait plus intervenir en Afrique. Alors, dans cette situation-là, que pouvait faire Lissouba? Trouver de l'argent ailleurs s'il voulait payer ses fonctionnaires. C'est ainsi qu'il a décidé de s'adresser aux Américains. Aux pétroliers américains, vous voulez? Oui, à la compagnie Oxy. En lui offrant une part du gâteau. C'est ça. Et pour la première fois, l'hégémonie de la firme française risquait d'être battue en brèche. C'était très grave. En outre, Pascal Lissouba voulait doubler les revenus que le Congo tirait de la production du pétrole. Autant de points inacceptables pour elle. Alors, que s'est-il passé? Il faut observer que presque simultanément, de violents incidents éclatent à Brazzaville. Sur fond d'élections législatives anticipées, l'opposition essentiellement constituée par les ethnies du Poule reproche à Lissouba de brader le pétrole congolais aux Américains. Ces incidents où Zoulou et Ninja s'affrontent les armes à la main provoquent des dizaines de morts. J'ai l'impression que là, il a insinué que ces incidents n'étaient nullement spontanés. C'est très probable, parce que la conséquence de cette guerre civile limitée, c'est que les négociations avec Elf reprennent. Et Lissouba va finir par renoncer au contrat avec la firme américaine Oxy. Donc, Elf gagne. Ça est évident. Parce que la compagnie a fomenté ces trucs. Écoutez, je n'en ai pas la preuve, mais il est certain que dès ce moment, Lissouba n'est plus en odeur de sainteté pour les dirigeants de la firme française. Dans cette première guerre civile, Sassou Nguesso a-t-il joué un rôle? Non, réfugié dans son fief du Nord, il s'est prudemment tenu à l'écart, mais il attendait son heure, parce qu'il savait que la paix était précaire et que ses deux rivaux ne tarderaient pas à en découdre à nouveau. Oui, ça l'arrangeait, ça. Oui, tant qu'ils se battaient entre eux, Sassou Nguesso pouvait organiser ses propres forces et se préparer à agir le moment venu. Autre question, là. Vous avez parlé de miliciens surarmés. Ça coûte cher, les armes, Oui, sans doute. Mais dans un pays qui déborde de pétrole, les mécènes, si j'ose dire, ne sont pas très difficiles à trouver. Et c'est l'argent du pétrole généreusement distribué à tous les belligérants qui va servir à acheter ces armes. Parce que les pétroliers ne veulent pas mettre leurs œufs dans un seul panier. C'est juste. On ne sait jamais ce que l'avenir peut réserver, n'est-ce pas? En tout cas, il faut le souligner, le président Lissouba, après avoir essayé d'introduire les Américains au Congo, va très vite comprendre tout l'intérêt du système. Et il mettra ses pas dans ceux de son prédécesseur. La guerre civile n'allait en effet pas tarder à se réveiller. En novembre 93, les combats reprennent. Voici comment ils sont décrits dans l'ouvrage collectif « Les mondes rebelles » publié aux éditions Michalon. Brazzaville connaît alors de véritables scènes de guerre. La sécurité présidentielle, soutenue par les milices pro-Lissouba, tente de s'emparer du quartier de Bakongo, fief de Bernard Kolelas, qui est défendu par la milice des ninjas. Ceci offre une résistance inattendue, obligeant la mouvance présidentielle à recourir à des armes lourdes, chars d'assaut, canons, lance-roquettes. En réaction, les ninjas entreprennent de chasser systématiquement les Bembe, partisans de Lissouba et plus généralement toutes les personnes originaires du Nibolek, des quartiers à dominante Lari. La plupart des quartiers deviennent ethniquement homogènes. Les Lari contrôlent Bakongo, alias Sarajevo, Makele Kele et Kisundi. La mouvance présidentielle domine Mfilou, surnommé Beyrouth, tandis que les nordistes tiennent Pila, Wenze et Talangay. Dans le même temps, l'armée congolaise se délite. De nombreux militaires désertent et rejoignent sur des bases ethniques les différentes milices. Phases de combat et d'accalmie se succèdent durant les mois de novembre et de décembre. La réouverture de la ligne Pointe-Noire à Brazzaville symbolise le retour à une situation quasi normale. Le bilan des affrontements de l'hiver 93-94 se situe entre 1000 et 2000 victimes et plusieurs dizaines de milliers de déplacés. En fait, cette première guerre du Congo va durer jusqu'en 1995, avec parfois des accalmies. À la fin de l'année, la paix est signée entre les différents belligérants. Mais il apparaissait évident que le conflit repartirait à la moindre étincelle, ne serait-ce que parce que les miliciens démobilisés avaient été abandonnés à eux-mêmes. Et dans un pays ruiné par le chômage, il était certain qu'ils ne demanderaient qu'à reprendre les armes. Et le combat, c'était leur seule chance de subsistance. Oui, en outre, il fallait tenir compte des ambitions des uns et des autres. Denis Sassou Nguesso ne rêvait que de reprendre le pouvoir qu'il avait perdu dans les urnes. Quant à Lissouba, il espérait bien se débarrasser définitivement de ses deux rivaux. Donc une reprise de la guerre était quasi inévitable. Oui, d'autant que les uns et les autres, malgré le pacte de paix, continuaient de s'armer et recrutaient même des mercenaires. On avait beaucoup de monde au Congo à ce moment-là. Des Israéliens, des Sud-Africains, des Ukrainiens et les Français, bien sûr. Des gens qui avaient autrefois combattu aux côtés de Bob Denard ou d'autres mercenaires venus directement de l'extrême droite et du service d'ordre de Le Pen. Un vrai panier de crabes, sans compter les agents des services de renseignement. Français. Oui. À Paris, on suit très attentivement l'évolution de la situation congolaise et on a déjà choisi son camp. Ah bon, lequel ? Celui de Sassou Nguesso. Mais quand vous dites à Paris, c'est au siège de la compagnie Elf, non ? Et aussi au sommet du pouvoir. À l'Élysée, alors ? Bien sûr, Jacques Chirac, élu en 1995, a toujours eu beaucoup d'amitié pour Denis Sassou Nguesso. Il me semble même me souvenir qu'au temps de la première cohabitation, il lui a donné un petit coup de main, sans même avertir le président Mitterrand. Enfin, passons. Enfin, comment pouvez-vous être certain que Jacques Chirac avait choisi Denis Sassou Nguesso contre Pascal Lissouba ? S'il n'avait pas fait ce choix, pourquoi aurait-il reçu très secrètement Sassou Nguesso à l'Élysée en 1996 ? Sassou Nguesso, qui n'était d'ailleurs pas seul, il était accompagné par le président gabonais Bongo, qui est, comme vous le savez, sans doute son gendre. Et Bongo, c'est un des membres les plus influents de la France-Afrique, comme l'a appelé l'un de vos confrères. Oui, c'est François-Xavier Verchard. Oui. À l'Élysée, c'est donc clair, on n'aime guère Lissouba. Et à la présidence du groupe ELF, c'est encore plus net. Surtout que Sassou Nguesso, toujours prévenant, a permis à la société pétrolière de s'introduire en Angola et d'arracher une grosse concession offshore. Mais l'Angola, pourquoi l'Angola ? L'ancien dirigeant congolais est très proche d'Eduardo de Santos, le président angolais. Pourquoi ? Est-ce que ce sont tous les deux des anciens marxistes repentis ? Très certainement. Par conséquent, il a usé de toute son influence sur De Santos pour favoriser la compagnie française. Évidemment, ça lui a valu de toucher une grosse commission. Payé par Elf ? Très vraisemblablement, oui. Que voulez-vous ? Les armes, ça vaut très cher, nous l'avons déjà dit. En plus, Sassou Nguesso a promis, s'il revenait à la présidence, de diminuer les redevances d'exploitation pétrolière augmentées par Lissouba. Mais en même temps, c'est une véritable partie de billard à trois bandes qui se préparait. Expliqué, hein. En Angola, la France, nous en avons déjà longuement parlé, avait soutenu la guérilla anticommuniste de Joseph Savimbi. Et nos services secrets avaient été très actifs là-bas. Mais il apparaissait désormais que c'est De Santos qui allait gagner. Ouais, il fallait donc changer de cheval. Oui, et ce contrat d'Elf en Angola était en quelque sorte une aubaine. La réconciliation franco-angolaise. C'est ça, évident, oui. Une réconciliation assortie de quelques cadeaux pour le régime angolais. Des livraisons d'armes, par exemple, par des moyens détournés. Ah, et l'affaire Falcon, là. Ah, vous brûlez, monsieur Fénon. Il y en aura pour des centaines de millions de dollars. Je n'ai pas fini de vous expliquer la partie de billard. Paris penchait donc pour le retour au pouvoir de Sassou Nguesso. Mais oui, contre un président légitimement élu, Pascal Lissouba. Certes, mais il y a des considérations autrement plus importantes. Celles de nos intérêts pétroliers, par exemple. Enfin, vous le comprendrez bien, la France ne pouvait pas agir directement au Congo, sinon par l'intermédiaire de quelques barbouzes. Par conséquent, nous avons en quelque sorte sous-traité l'affaire à l'Angola. Sous-traité, ça veut dire quoi ? La France a demandé à l'Angola d'agir à sa place pour permettre à Denis Sassou Nguesso de revenir au pouvoir. Et l'Angola va réagir de façon d'autant plus positive que Lissouba est soupçonné d'avoir aidé la rébellion de l'UNITA. L'UNITA, c'est-à-dire Savimbi, hein ? C'est ça, oui. Alors bon, si vous voulez bien, maintenant, voyons les faits. Je vous écoute. Bon, il se produit en juin 1997 un événement très curieux à Brazzaville. Des troupes loyalistes attaquent la résidence de Sassou Nguesso qui est puissamment gardée par ces fameux cobras. Or, selon certains témoins sûrs, l'ancien président ne paraît nullement surpris. Il s'attendait à être attaqué. Peut-être. Et étant donné les liens très étroits qui l'unissaient à l'armée, il n'est pas exclu qu'il se soit agi d'une sorte de coup monté. En tout cas, cette agression marque le début de la deuxième guerre civile du Congo. Mais tout va aller très vite. Les cobras de Sassou Nguesso, rejoints par des unités de l'armée régulière, affrontent les ninjas de Kolela et les Zoulous de Lissouba. Et une fois de plus, Brazzaville est dévastée et les habitants fuient par milliers. Mais comment tourne le sort des armes ? Les deux camps font d'abord partie égale. Mais bientôt, la puissante armée angolaise intervient. Et en octobre, Sassou Nguesso triomphe et se réinstalle sans coup férir au palais présidentiel, tandis que ses deux rivaux s'enfuient à l'étranger. Apparemment, c'est une sorte de putsch. Ah bah, ça y ressemble fort, en effet. Et un putsch qui a été applaudi par Paris. Ouvertement ? Tout à fait. En visite en Angola en 1998, Jacques Chirac n'hésitera pas à se réjouir de l'intervention de l'armée angolaise au Congo et du retour de Denis Sassou Nguesso, le seul homme, selon lui, capable de rétablir la paix dans ce pays meurtri. Et c'est vrai. Bien au contraire. Tout au long de l'année 1998 et jusqu'en 1999, les combats vont continuer à faire rage. On se bat à l'arme lourde dans les quartiers de Brazzaville. Et l'aviation angolaise bombarde les villages et les forêts où ont trouvé refuge les habitants qui ont fui la capitale. On estime qu'il y aura eu au moins 25 000 morts et 800 000 sans-abri. Et on ne comptera plus les massacres et les viols systématiques des femmes. C'est bien simple, il suffit d'appartenir à une ethnie hostile aux nordistes pour être abattu sans sommation. Mais si cette guerre se traduit par des massacres ethniques, est-ce qu'on ne peut pas parler de génocide ? Bah écoutez, des plaintes en ce sens seront déposées en France. Mais à ma connaissance, elles n'ont toujours pas abouti. Le président Sassou Nguesso, qui va être réélu en 2002, demandera d'ailleurs le dessaisissement de la justice française devant la Cour de justice de La Haye. Ce qui est étonnant, enfin, et même monstrueux, hein, c'est que la presse semble n'avoir pas pris la mesure de cette horreur. Je suis d'accord avec vous, et c'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ce terrible dossier. Est-ce que la paix est enfin revenue ? Apparemment, oui. Mais pour combien de temps ? Il faut savoir que des milliers d'armes sont encore en circulation au Congo et toutes les milices n'ont pas été désarmées. On peut craindre qu'un jour, les adversaires de Sassou Nguesso ne soient tentés de prendre leur revanche. Et la situation économique ? Oh, elle n'a guère changé. 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté et la production pétrolière est encore gagée pour des années et des années. Mais Elf Congo a signé deux nouveaux contrats d'exploitation en mer profonde. Donc tout va pour le mieux, n'est-ce pas ? Un dernier mot. Il n'est pas inutile d'observer que l'un des dirigeants du groupe français le plus engagé en Afrique... Bolloré. Oui, Bolloré. Ouais. Eh bien, ce dirigeant, Michel Roussin, est un ancien des services secrets. Et aussi, accessoirement, l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Donc, si j'entends bien Monsieur X, aujourd'hui, rien n'aurait vraiment changé. Confirmation dans un article du journal La Croix, daté du 7 juillet 2003, publié sous la signature de Gilia Fricatier. Elf ne doit plus faire la loi en Afrique. Tel était le slogan depuis plus de 15 ans d'association Telle Survie, bien avant que ne s'ouvre devant la justice française le dossier Elf. Celui-ci n'intéresse les populations africaines que si leurs présidents voleurs, selon le mot d'un étudiant gabonais, sont mis en cause. Qui connaît l'Afrique sait en effet qu'Elf, rebaptisé Total Fina Elf, puis Total, pour faire oublier le passé, demeure toujours un État dans l'État au Gabon, au Congo, et en Angola. Cet empire a ses zones d'ombre, ses commissions officielles impressionnantes en milliards de dollars prévues par les contrats auxquels s'ajoutent des commissions occultes censées garantir les meilleures relations entre la compagnie pétrolière et le pays africain concerné, reconnaît un ancien de la maison Elf qui préfère garder l'anonymat. Tout le monde sait que pour obtenir le droit de chercher du pétrole, il faut payer en liquide. Les mœurs de cette industrie n'ont rien à voir avec ce qui se pratique ailleurs, déclaré pour sa part il y a 6 ans, l'ancien PDG d'Elf, Loïc Le Floch-Prigent, déjà mis en cause. Le mot « liquide » sous-entend immédiatement « caisse noire », l'un des symboles clés de ce que l'on appelle la France-Afrique et dont Elf est l'un des piliers.